Les découvertes musicales de Fadjet. Avec cet extrait de son EP intitulé Rêve, découvrez l'univers musical d'Amanda Bourneuf avec son titre Temps de guerre. Ferme les yeux, se voit.